J'arrive à hauteur d'un feu rouge. Je dois donc m'arrêter. Ici, deux lignes matérialisent l'endroit où s'arrêter. Celle-ci, à l'aplomb des feux tricolores, et celle-là, en retrait des feux. Entre ces deux lignes, une figurine représente un cycliste. Il s'agit en fait d'un sas de sécurité destiné à recueillir les cyclistes qui voudraient tourner à gauche de manière à ce qu'ils se placent correctement avant d'entreprendre leur manœuvre. Les automobilistes qui veulent tourner à droite doivent laisser passer les cyclistes qui voudraient continuer tout droit. Je m'arrête donc avant la première ligne. Réponse A.